Le respect des droits humains doit être au centre de l'exploitation des ressources naturelles. Il est inacceptable de constater qu'un peuple qui dort sur les ressources naturelles puisse demeurer pauvre. Quel serait le problème? Il s'observe une faible application de la politique sur la gouvernance des ressources naturelles. Et c'est là parce que les droits des individus et des entreprises prime sur les droits des communautés locales et des peuples autochtones. Et c'est inacceptable. Et donc, le travail à faire est que on doit pousser pour que la consultation puisse devenir une culture. Et cela amènerait la communauté à donner son consentement librement et à connaissance des causes, en tenant compte, bien sûr, de ses droits. Et c'est à cette étape où la population aura même à imposer son cahier de charges par rapport à ce qui doit être fait pendant qu'on est en train d'exploiter les ressources naturelles. À la même occasion, nous devons mener des campagnes de sensibilisation pour éviter que les ressources naturelles deviennent chaque fois source des conflits.